Y'a rien de plus beau que ce que tu es. Shining like the sun. Dans les actes que tu commets. Beautiful you are. Y'a rien de plus beau. Beautiful you are. Y'a rien de plus beau. Beautiful you are. Que ce que tu es. Beautiful. J'attends toujours la BA qui me fera remarquer. J'sais pas dans quoi m'embarquer. J'suis largué, j'ai jamais conscience des points que j'vais marquer. J'suis pas là pour narguer. Voyez la beauté derrière un visage marqué. J'suis démasqué, loin des mascarades de la méchanceté. J'reste à portée de la simplicité de ma vie. J'précise, j'évite tant que je peux la vulgarité. Dans la rime, y'a rien de plus beau que ce que nous sommes. Femme ou homme, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Même si j'sais qu'on a plus d'une fois croqué dans la pomme. Je sais pas si ça changera la donne, j'y pense pas. Pour le moment, le but c'est d'aider, de donner sans en faire des tonnes et des tonnes. Juste qu'il faut ne pas faire l'impasse sur nos défauts, mais ça tu connais. Faire la part des choses dans nos faits et gestes, c'est rien de plus beau que ce que tu es. Dans la plupart des actes que l'on commet, rien n'est plus beau que ce que tu es. Shining like the sun. Malgré les actes que l'on commet.